toutes ces structures. On connaît non seulement les bases du virus des vertébrés, qu'il s'agisse de l'homme, variole, fièvre jaune, et des invertébrés traceries du ver à soie, polyédrie, des diverses chenilles, larves, papillons, virus sigma de la drosophile, mais aussi des végétaux, des fissures, mosaïques et nécro, des récents, des mouchures, des fissures de nouveau, d'espèces cultivées. Les êtres unicellulaires, eux-mêmes, ont leur maladie à virus, bactériophages, des bactéries, virus kappa, des paramécies. Au total, on a recensé plusieurs milliers de virus différents qui permettent d'acquérir la maladie et de causer la maladie. Une fréquentation chez les animaux de jeunes et du marin, ayant tous les caractères de cancer, croissance anarchique, extension limitée, métastase à distance, dont l'existence est liée à la présence d'un virus et qui sont transmissibles par l'intermédiaire de ce virus, a apporté un renouveau intérêt à la théorie infectieuse du cancer qui était tombée en désuétude et semblait abandonnée. Les recherches récentes sont un intérêt capital pour ce qu'elles éclairent la jeunesse du jour sur la forme d'un virus et démontrent notre complexité des facteurs d'interdépendance, l'interdépendance des tumeurs malignes, des notions acquises jusqu'ici nous sont statuées. Thank you.